ça sent le roussi. J'lève mon majeur, l'étendard saigne. Autant me faire buter plutôt que cantonner ta Marseillaise. Au JT, le drapeau tricolore témoigne. Nous, ça s'est fait canner, le FN, faites ça au champagne. Laisse-moi tirer sur un bon gros joint. Laisse-moi fumer la femme de Francis et la France me traite d'assassin. L'œil de verre à ses disciples, j'ai tout un essaim de sauce africain pour niquer le destin. Pas besoin de dessin. Décidément, au pays du Pinard, les cités dortoirs deviennent des bâtiments plongés dans le noir. 16e arrondissement, planque tes gosses. Les bastos ricochent. Faut pas clame Sébastien, ça serait moche. Douce France, cher pays de mon enfance, l'enfance est prévue. Alliance clinique, ménage à trois, décrève les trous du cul sur piste. J'étouffe le chant du coq, le touriste vers la part au Sénégal. Et revient le sourire jusque-là. Les bons tuyaux balancent, 42 marques, un but, un point pour la France. Une centaine de négros qu'on expulse. On brûle la carte postale en France, on t'aime si t'as du pognon pour du boulot. Ma douce blanchie. Rachid, c'est un contrôle d'identité pour délit de faciès. Aujourd'hui les voyous siègent à l'Assemblée en costard 3 pièces. On nous donne l'immunité parlementaire pour faire nos conneries. À ceux qui posent des bombes dans les FNAC, clinique au prochain coup. La France, la France aux Français, c'est vrai. Trop de souffrance, ici tu crèves dans l'indifférence. C'est ça la France. Trop de képis sur le boulevard, salopards Anthony Emo. Chasseurs de tête, gaffe les négros. Les rues s'enflamment sur Paname, ça sent le roussi. L'odeur du FN prend du galon sur le pays. C'est ça la France. Liberté de fermer sa gueule et prendre son charter. Égalité pour qui, ma fraternité commence. Ça, France, y'a quoi? Tu veux censurer ma sœur? Mais toute une jeunesse, on sera la costa. Je me soumettrai jamais. Il n'y a rien à faire, ta potion n'a pas d'effet. Elle ne me fera pas d'aise. Sache que le R arrive pour sauver de la dérive. Car il faut qu'on s'active, faut ton plan. Oh, l'esquine est de l'extrême droite. Moi, je les tabasse. Le max d'infos dans mon cerveau. J'entasse. Me bloque, me stop. Il veut que je devienne une loque. Une simple anecdote, cette solution, je la boycotte. Et c'est pas tout le moins un quoi. Vous n'êtes qu'un enculé quand je mate ça. Je protège tout, toutes mes sisters. La France. La France aux Français, c'est vrai. Trop de souffrance, ici tu crèves dans l'indifférence. C'est ça la France. Trop de képis sur le boulevard, salopard en tenue émo. Chasseur de tête, gaffe les négros. Les rues s'enflamment sur Paname, ça sent le roussi. L'odeur du FN prend du galon sur c'est le pays. C'est ça la France. Liberté de fermer sa gueule et prendre son charter. Égalité pour qui, ma fraternité commence par les frères. C'est ça la France. Appelle la clinique pour tirer du chaos, rien qu'avec tes mots. La France de ce topo. Voulez-vous une lutte armée? Si c'est oui, on est préparé, les jeunes sont équipés. Fichy à Pont, pour vous zigouer. La paix par la paix, la paix par la guerre. La paix à tout prix, mais pas au bas prix de terre. Yé 1, R avec la clinique, hein. Représente Yé 1, c'est ça la France. La France aux Français, c'est vrai. Trop de souffrance, ici tu crèves dans l'indifférence. C'est ça la France. Trop de képis sur le boulevard, salopard en tenue émo. Chasseur de tête, gaffe les négros. Les rues s'enflamment sur Paname, ça sent le roussi. L'odeur du FN prend du galon sur le pays. C'est ça la France. Liberté de fermer sa gueule et prendre ton charter. Égalité pour qui, ma fraternité commence par la France.